commander en ligne, mais faire vivre le commerce en vrai. C'est possible. Et ça s'appelle épicerie.com, avec un Y. La nouvelle application qui soutient les commerces et restaurants de proximité en vous livrant le meilleur de leurs produits dans l'heure. Commandez dès aujourd'hui auprès de vos commerçants lyonnais. Épicerie, vive le commerce vivant! Affaire sensible, la fiction, cette semaine 22 millions, inspirée de l'affaire Big Malion. Une série en 6 épisodes, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Baptiste Guiton, coordination Christophe Barrel. France Inter. Affaire sensible. Écrit par Vincent Hazard. Musique originale, Sébastien Quincé. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guiton. Quatrième épisode, la teigne. Non mais il faut parler clairement. Jean-François Copé, en tant que président de l'UMP, était dans la meilleure position il y a quelques mois pour être le candidat du parti à la présidentielle. Or, tout le monde sait que Nicolas Sarkozy veut revenir dans la course. Et François Fillon est lui aussi candidat. Les trois hommes ne s'apprécient pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il faut pas chercher très loin d'où vient le début de l'affaire Big Malion. Il y a eu un intérêt à désinguer Copé au départ. Et si Sarkozy est mis lui aussi hors jeu par Big Malion, c'est le camp Fillon qui se frotte les mains. Je suis censée être au cœur de l'affaire, mais j'ai le sentiment que ce qui se joue vraiment me dépasse. J'ai l'impression que tout ça est un jeu pour eux. Comme s'ils s'amusaient avec nous, avec le système judiciaire pour s'éliminer entre eux. Et que le prix pour le gagnant, c'est sa place à l'Élysée. Dans l'actualité politique, les Français souhaitent un vrai changement à l'UMP, une écrasante majorité de sympathisants, 79% estiment que le principal parti d'opposition doit se rénover en profondeur. Ce sondage BVA publié dans Le Parisien aujourd'hui en France a sûrement été scruté par les ténors de l'UMP qui entendent peser dans la reconstruction. Le renouveau, ils n'avaient que ce mot à la bouche. Aujourd'hui, lors d'un pique-nique organisé à Jouy-en-Josas dans les Yvelines, Daniel Sportiello, Michel Anglade. La pluie a failli gâcher la fête, mais les militants sont venus quand même. Il faut dire que Valérie Pécresse, la patronne de la Fédération des Yvelines, avait invité François Fillon pour parler de renouveau. Eh bien, la rénovation, ça commence maintenant. Et je pense qu'il faut à la fois nettoyer l'UMP de toutes ces affaires qui la salissent, et en même temps, il faut renouveler profondément, renouveler les idées, renouveler les personnes. Et justement, François Fillon a donné de sa personne. Lui, le candidat déclaré à la primaire, veut incarner lui aussi le renouveau et tourner la page à l'UMP. Ils ont saisi Serge Tourner comme juge principal. C'est bien ça, non ? Il avait cru, lui. Il était juste sur le grand banditisme corse. Ouais, enfin, il a surtout une réputation d'emmerdeur. Hein. Ah, ça veut dire que c'est un bon, alors. En tout cas, il veut parler qu'à moi, il veut pas de Gabriel. Eh ben, c'est bien, ils t'ont viré par la porte, tu reviens par la fenêtre. ouais, on va voir. C'est peut-être un cadeau empoisonné, hein. Et je suppose que tu vas pas repasser d'ici un moment, alors. Ah bah non, j'ai pas le temps. C'est pas mon seul dossier, hein, j'en ai une trentaine. Tu sais ce que c'est. Et si je monte à Paris un week-end, t'auras le temps pour un café? Ah, ça oui. Mais tu viens pas que pour me voir, ok? Non, t'inquiète. On en reparle. Ok. Direction de l'Office anticorruption, Nanterre, 1er juillet 2014. Vous savez un petit peu comment ça va se passer? Oui, c'est bon, les avocats m'ont briefé. Vous savez, à l'UMP, on a tous été briefés. On imagine. Je vous le dis franchement, hein, ils m'ont donné les éléments de langage, tout ça. Mais moi, je dis ce que je veux, hein, j'ai rien à cacher. Tant mieux. Alors, commençons. Présentez-vous rapidement et dites-nous votre rôle à l'UMP. Alors, je m'appelle Karima Atmani. Je suis responsable du service événementiel de la direction de la communication de l'UMP. Depuis combien de temps vous travaillez à l'UMP ? Depuis 2004. Il semblerait que les choses aient un peu changé depuis l'arrivée de Big Malion comme prestataire. J'ai été mise au placard, hein. Il faut appeler un chat un chat. Hein. Depuis quand ? Depuis 2010, depuis l'arrivée de Copé à la présidence. Ils ont essayé de me virer 10 fois, mais je suis déléguée syndicale, alors ils peuvent pas. Je suis invirable, et c'est pour ça que je dis ce que je veux. D'accord. On vous demande juste de dire la vérité. Vous avez été témoin de la fraude pendant la campagne ? Pendant la campagne, non. J'ai vu qu'ils dépensaient beaucoup, mais j'étais pas dans l'organisation. C'est après que je m'en suis rendu compte. Je m'occupe toujours des événements qu'on organise au siège de l'UMP. On fait des conférences, des réunions, dans l'auditorium du siège. On en fait régulièrement. Et après l'élection, ça a repris. C'est le jour d'une de ces réunions que j'ai compris qu'il y avait un vrai problème avec les comptes de la campagne présidentielle. Siège de l'UMP, Paris, juin 2012. 95, 100. Ah ben tu vois, on a bien fait de prendre des sur-réservations. Mmh. On est une centaine. Bon, allez, c'est l'heure. Tu les fais entrer ? Ok, ça marche. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous pouvez entrer. Karima, tu peux me signer ça, là ? Non mais attends, Pierre, on commence dans 2 minutes et il faut que je lance la vidéo d'introduction. Il faudrait juste que tu me signes ce devis et cette facture pour une presta. Quoi ? Maintenant ? Mais pour quelle presta ? Mais attends, mais Pierre, je peux pas signer ça. Non mais signe, c'est pour un arriéré de facture avec eux. Mais Big Malion n'a rien fait pour cette réunion. Et les montants sont trop importants. Oui, mais t'inquiète, les comptables vont s'en débrouiller après. Ah non, Pierre. Ah non, je peux pas. Il me demandait de signer un devis et une facture éventes Big Malion de 180 000 euros. Pour ce petit colloque, chez nous, avec moi qui faisais la technique. Mais en vrai, ça n'avait rien coûté. J'aurais dû l'envoyer chier, oui. Si j'avais signé, mon nom serait dans les journaux avec les autres. Attendez, qui vous a demandé de signer ? C'est qui ce Pierre ? Ben Pierre Chassa, mon chef, le directeur de la communication de l'UMP. C'est aussi le directeur adjoint du cabinet de Jean-François Copé et l'adjoint de Jérôme Lavrieux. Donc il a essayé de vous faire signer à sa place ? Ben je pense, oui. Il savait que ses factures étaient bidons et il ne voulait pas son nom dessus. Ça, c'était en mai ? Oui, après la campagne. Vous disiez que vous aviez été placardisé à l'arrivée de Copé ? Mais pendant la campagne, vous avez quand même eu une fonction. Ah oui. Finalement, je l'ai suivi, la campagne. Je l'ai même suivi de près. Ma chère Karima, comme nous ne pouvons pas nous passer de vos services, nous allons vous confier un rôle dans la campagne à venir. C'est quoi le piège ? Je vous préviens, comptez pas sur moi pour faire de la régie. Hein. La voilà qui recommence. Sérieusement, vous êtes fatigante. Non, Karima, nous voudrions vous confier l'organisation des visites de Nicolas Sarkozy avant les meetings. Les visites du candidat ? Écoles, hôpitaux et entreprises dans les villes où il sera en meeting le soir. D'accord. Il semblerait que Nicolas Sarkozy ne puisse pas se passer de vous. C'est une demande expresse de sa part. Il fonctionne avec des gens de confiance. Ça fait plaisir. Bon, de toute façon, on vous fournira la liste des lieux et des interlocuteurs sur place. Vous n'aurez qu'à faire la liaison et l'accompagner. Essayez juste de ne pas faire de conneries. Vous auriez vu leur tête. Ils ne pouvaient rien dire. Hein. C'était le président lui-même qui me réclamait. En fait, j'étais copine avec sa première femme, Cécilia, et j'ai toujours gardé de bonnes relations avec lui. Et vous avez assisté au meeting ? Ah oui, souvent. Après les visites, j'accompagnais le président jusqu'au lieu du meeting. Vous avez remarqué les dépenses extravagantes ? Oh oui, c'était assez évident. Hein. Vous savez, j'avais organisé les meetings de la campagne de 2007, alors je connais. Hein. Et vous n'avez rien dit ? Vous n'avez pas profité de votre proximité avec le candidat pour lui en parler et essayer de récupérer votre place ? Ah non, ce n'était pas vraiment possible. Lille, 23 février 2012. Oh là là là, ma petite Karima, quelle horreur. Bonjour, monsieur le président. Quelle horreur. Vous vous rendez compte, Karima ? Ils m'ont fait prendre le train, on a déjà 30 minutes de retard. Au départ de la gare du Nord à cause de la cohue, et puis il y a une alerte à la bombe. On a à peine démarré la campagne que tout est déjà très mal organisé. Pourquoi j'ai dit oui ? Je ne suis pas conseiller général, je suis président de la République. À partir de maintenant, je fais tous mes déplacements en Falcon. C'est pas comme si la Terre s'arrêtait de tourner parce que je suis en campagne. Moi, j'ai Merkel au téléphone demain matin à 8h. Alors ces conneries de train qui me fait perdre 3 heures, c'est terminé. Mais c'est pas moi qui fais les transports, mais je ferai remonter l'information. Non, mais merci, hein? Karima, mais je suis désolé. Mais aujourd'hui, je le sens pas. L'île, c'est une terre hostile en plus. Ils votent socialiste ou FN. Il va falloir être bon. Il va falloir être même super bon parce que je ne suis pas aidé. Hein? Vous avez vu la Kosciusko Morizet ce matin ? Ce qu'elle m'a fait, cette gourde ? Non. Ah ben, d'après vous, combien ça coûte un ticket de métro ? Je sais pas, je dirais 1,50€. 4 euros. Elle a dit 4 euros ce matin sur Europe 1. Enfin, s'ils se régalent, on passe pour le parti des grands bourgeois. Ah ben, c'est bien comme début de journée. Hein. Ah ben, je suis entouré de bobos parisiens complètement déconnectés de la réalité. Vous savez, Karima, moi je suis comme vous. Mais je ne suis pas de l'élite parisienne, je suis fils d'immigrés. Ces gens-là dans le parti, ils sont incapables de comprendre le peuple. Ah, mais bon, mais sinon, qu'est-ce qu'on visite alors ? Alors, on visite une usine de textile qui a rapatrié sa production en France, monsieur le président. Ah, bah parfait, c'est très bien ça. Ben, J'espère que ça sera pas trop bruyant. Quand vous êtes avec Nicolas Sarkozy, ce n'est pas vous qui décidez de quoi vous allez parler. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a eu détournement de l'argent de la campagne ? Détournement, j'en sais rien, mais moi, je crois que Copé et Big Malion pensaient se gaver sur la campagne de Sarkozy, que ce serait pépère, puisqu'il allait perdre de toute façon. Mais ça s'est pas passé comme ça. Nicolas Sarkozy s'est pris au jeu de la campagne. Il leur a montré qui était le patron. Et ils n'étaient pas prêts. Place de la Concorde, Paris, 15 avril 2012. Bon, suivez-moi, Karina, vous allez voir. La France se réformera. Vous l'entendez, l'autre, là ? Bah, j'espère qu'il ne va pas me les endormir. Ça va, mon Jérôme ? Bonjour, monsieur le président. Monsieur Attal, comment allez-vous ? On a un peu de retard. Monsieur Copé a décidé de prendre la parole avant monsieur Fillon. C'était pas vraiment prévu. C'est normal que Jean-François adresse quelques mots au public en tant que président du parti. Bah oui, j'imagine que quand il a vu que Fillon devait parler, il n'a pas pu se retenir. Il se dispute déjà la succession. Mais le lion n'est pas encore mort ce soir. Les gens sont venus pour Sarkozy, pas pour les sous-fifres. Et en face, il a commencé. Mais qu'est-ce qui se passe en face ? Allons, on fait un meeting avant scène. C'est un gros truc. Et ça ne risque pas de faire embouteillage dans les médias ? Mais il n'y aura pas d'embouteillage, ma petite Karima. On va lui griller la priorité. Hollande va parler à 15h30, c'est ça ? Oui. Quelle heure est-il ? 15h15. Bon, eh ben alors coupez Fillon. Je vais prendre la parole maintenant. Mais on peut pas. On n'a pas les moyens de le prévenir, monsieur le président. Il faut attendre qu'il termine. On s'en fout. Coupez son micro. Ils essayent tous de se placer pour 2017, mais je vais la remontrer. Je passe maintenant. Comme ça, c'est moi qui arrête direct sur les chaînes infos. Avant Hollande. Ah, ça, la campagne, c'est son truc. C'est pour ça qu'il est là où il est. Hein. Il y a personne à l'UMP qui lui arrive à la cheville. Mais bon, il a été balèze sur la campagne, mais ça m'aurait dérangé qu'il soit réélu en prêchant les idées d'extrême droite. Lui, il n'est pas raciste. C'est Buisson qui l'a embobiné. Patrick Buisson, son conseiller politique ? Quel a été son rôle ? Bah, il vendait les sondages à la droite, à l'UMP, à l'Élysée. Il s'est gavé, comme tous les autres, pendant la campagne. Il faut que vous jetiez un œil là-dedans. Hein. Mais c'est surtout son influence politique qui a été toxique. Comment ça ? Bah, c'est un facho, ancien du journal Minute. Il conseillait Nicolas Sarkozy, mais il s'en fichait de lui. Ce qu'il voulait, c'était faire des sous et promouvoir ses idées dégueulasses en utilisant Sarkozy comme une marionnette. Il a dit au président qu'en parlant comme Le Pen, il pourrait gagner. Et Sarkozy l'a cru. Il est tombé sous le charme. Villepinte, 11 mars 2012. L'étranger qui vient en France pour le seul attrait de nos prestations sociales et qui ne respecte pas la France, ça aussi, les Français considèrent que c'est une injustice. Ah mais vous aviez raison, Patrick. Le référendum sur l'immigration, ça parle aux Français. C'était une bonne idée. Oui, ça marche. Puis on s'en fout si un tel référendum n'est pas applicable. Hein, Karima ? Rassurez-vous là-dessus, on ne touchera pas à la Constitution. On ne va pas vous renvoyer. Non, mais ça va, hein. Vous ne me faites pas peur, monsieur Buisson. Vous avez bien raison, je suis inoffensif. Bon, bah, à plus tard, Patrick. Oh, merci. Patrick vous provoque parce qu'il sait que vous partez au quart de tour. Mais vous savez, il joue de son image de méchant, mais c'est un homme brillant. Mais on n'empêche pas l'autre. Oh, mais je sais ce que vous ressentez, Karima. Mais Patrick est l'un des rares autour de moi qui comprennent la France profonde. Il comprend les peurs des gens. Je ne suis pas d'accord avec toutes ses idées, mais ses analyses sont justes et inutiles. Hein. Rassurez-vous, je sais à qui j'ai affaire. Hein. Je ne suis pas naïf. Mais on rentre. C'est vrai que ses conseils ont porté leurs fruits. Et grâce à ce virage à droite, il est remonté dans les sondages. Il est même passé devant Hollande. Mais Nicolas Sarkozy n'avait pas besoin de ça. Vous l'avez vu en meeting ? Il est 10 fois meilleur que Hollande. Ben non, son drame, c'est qu'il a écouté des parasites comme Buisson. En plus, Sarkozy, il aime bien les Arabes. J'en suis la preuve. Vous avez de l'admiration pour M. Sarkozy ? Ah ben ouais, c'est quand même le seul à avoir mis une femme arabe à un ministère important. Rachida Dati, hein, quand même. Hein. Une Marocaine, comme moi. Regardez la gauche. Hein. Ils parlent beaucoup, mais ils n'ont rien fait quand ils étaient au pouvoir. Il y a Najat Vallaud-Belkacem, quand même. Oh, mais ça compte pas vraiment. Elle est ministre de la ville. Et puis, ils l'ont fait après que Sarkozy a ouvert la voie. Sarkozy n'a rien en commun avec Patrick Buisson. Il l'a envoûté. Et maintenant, Sarkozy s'en mord les doigts pour plein de raisons. C'est vrai que Patrick Buisson est devenu une épine dans le pied de l'ancien président. Il est déjà l'objet d'une enquête pour l'obtention illégale du contrat des sondages qu'il fournissait à l'Élysée sous Sarkozy. Il avait obtenu le marché sans être mis en concurrence. Mais je crois que le pompon, c'est cette histoire d'enregistrement secret. Patrick Buisson, c'est donc l'homme qui suscite la stupéfaction, la colère et parfois le dégoût dans la classe politique. L'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy a enregistré en cachette des heures de conversation avec l'ancien chef de l'État et certains proches. Sur le fond, il n'y a pas de grande révélation pour le moment, mais c'est bien le procédé qui choque et interroge. Du temps où Sarkozy était président, Patrick Buisson enregistrait tout ce qu'il se disait. Un de ses proches avait balancé des bandes au journal Atlantico et à l'association Anticor. Mais malheureusement, Buisson a dû se rendre compte qu'on lui avait volé. Quand la police est venue perquisitionner à son domicile et dans sa maison de campagne, ils n'ont rien trouvé. Dommage. On ne saura jamais ce qui s'est dit sur ces enregistrements entre Sarkozy et ses conseillers. Je suis sûre qu'on aurait appris pas mal de trucs. Pour vous, Nicolas Sarkozy est une victime. Oui, clairement. Il est entouré de profiteurs qui ne pensent qu'à leur carrière ou à leur compte en banque. Il n'était pas au courant du dépassement du plafond autorisé ? Ben non, il avait autre chose à faire que contrôler tout ça. Et Jean-François Copé, il était au courant ? Ben ça, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'en a jamais parlé devant moi. Mais bon, au moment où les comptes se sont retrouvés dans le rouge, j'ai du mal à croire qu'en tant que président de l'UMP, il n'ait pas regardé en détail d'où venait le trou dans les dépenses. En plus, il était très proche de Lavrieux, qui lui était au courant de tout. Jérôme Lavrieux dit avoir été prévenu du dépassement après la campagne. Lavrieux a signé des devis et des factures pendant la campagne. Moi, j'ai refusé de signer ces devis foireux. Quand on signe un document, on fait un minimum attention. Surtout que si j'ai bien compris, ils ont décidé de truquer la comptabilité assez tôt dans la campagne. Tout d'un coup, les factures et les devis ont baissé de moitié, tiens, comme par magie. Mais c'était impossible de ne pas le voir, non ? Regardez qui a signé les devis. Et vous aurez déjà une liste des personnes qui étaient forcément au courant. Oh, ça marche pas. Quoi encore ? Je suis sur les disques durs de l'UMP. J'essaye de faire des recherches par mots-clés avec les noms des mises en cause. Mais le logiciel bug tout le temps. Et on peut pas faire de recherche sur tous les fichiers en même temps. Bah non. Et on peut pas faire de recherche par date, ni avec filtrage. Non plus, non. Non mais attends, on est quand même censé éplucher des bases de données dans notre boulot, non ? Bah oui. Et on n'a pas les outils ? Bon allez, tu sais quoi ? Je vais prendre un soft que j'utilisais à la fac. C'est payant, mais... On n'aura pas les crédits. Bah, c'est pas très cher. Même si on les a, le temps que ça se débloque... Bon, ok. Je vais prendre la version d'essai, ça marchera pendant un mois, mais je vais faire la demande officielle quand même. Ça fait chier. Je soutiendrai ta demande. Et moi aussi, hein, j'en peux plus des logiciels de merde qu'on nous file. Eh ben dis donc, c'est pas ton genre de parler comme ça, Gabriel ? Ah si, tu vois, je peux encore te surprendre. Alors vas-y, dis-moi, t'as trouvé des trucs ? Bah en fait, Karima a raison sur les devis. On retrouve pratiquement tout le temps les quatre mêmes signatures. Lavrieux, Césari, Yatze et Chassa. Ok, bah tu noteras dans ton rapport au juge et tu mettras avec le PV. Ça marche. Salut. Salut Kader. Salut. J'ai quand même l'impression qu'elle nous donne une version pro-Sarkozy de ce qui s'est passé. C'est assez probable. Il occupe toute la maison, lui, en ce moment. Qui ? Sarkozy. Pourquoi tu dis ça ? Bah, il est dans les murs. Il est avec moi pour mon affaire. Non. Si. Vous n'avez pas vu la télé ? Un. Quand je vous parlais de ce Paul Bismuth, qui avait pris un téléphone caché pour essayer de corrompre un magistrat, c'est Nicolas Sarkozy. Les juges Thépeau et Simon vont le mettre en examen, là. Ah, purée. Nicolas Sarkozy, mis en examen, trafic d'influence et surtout corruption active. Son retour en politique est-il compromis ? France Inter. Il aura passé toute la journée en garde à vue à la PJ de Nanterre. En soi, c'est déjà une première pour un ancien président de la République. Nicolas Sarkozy est ensuite conduit chez les juges. Il est 2h du matin quand il sort, mis en examen pour recel de violation du secret professionnel, trafic d'influence et c'est un délit de plus sur la liste pour corruption active. Au-delà des écoutes, l'enquête et les auditions auraient donc apporté de nouveaux éléments. Nicolas Sarkozy soupçonné d'avoir en pleine affaire Bettencourt tenté d'obtenir des informations confidentielles. Ce n'est pas la première fois pour Nicolas Sarkozy. Il y a eu justement cette affaire Bettencourt et le non-lieu, mais ce sera peut-être celle de trop. À l'heure où son retour en politique agite toute la droite, le malaise grandit dans les rangs de l'UMP. Vous avez des nouvelles de l'analyse des données saisies ? Oui, les experts devraient bientôt rendre leurs conclusions. Et d'ailleurs, concernant les vérifications des factures ? Je n'ai pas encore eu le temps de terminer. En fait, je suis la seule enquêtrice dessus en ce moment. Ne vous inquiétez pas, faites au mieux. L'enquête n'est ouverte que depuis 3 mois. On a déjà bien avancé. Oui, mais je veux du concret. La fraude, j'ai pas d'inquiétude, on va pouvoir l'étayer. Mais là, maintenant, il faut avancer sur la liste des mises en cause. Et c'est ça qui est plus compliqué. Qui a mis en place la fraude ? Exactement. Et je veux savoir qui est à l'initiative, qui a été complice et qui savait. Entendu. Vous venez de me donner une liste des mises en cause pour l'UMP. Maintenant, je veux savoir si l'équipe de campagne était au courant et si le candidat Sarkozy lui-même était au courant. Non mais, il faut pas hésiter, c'est injusticiable comme les autres. Pour l'instant, on n'a rien du tout qui l'incrimine. Ben, c'est très bien, mais il faut tout regarder, sereinement. Je vous fais confiance. Oui, bien sûr. Éric Ciotti, vous avez dit la semaine dernière, bien entendu, le pouvoir était au courant. Pensez-vous, oui ou non, qu'il s'agit d'un complot politique ? Complot, je ne sais pas. Mais ce qui choque et ce qui est grave aujourd'hui, et je voudrais qu'on inverse un peu la situation. Admettons que Nicolas Sarkozy ait été réélu président de la République, François Hollande soit le leader de l'opposition, et que pendant 8 mois, ces conversations téléphoniques aient été enregistrées avec Maître Mignard. Que 4000 avocats aient signé une pétition, une protestation pour dénoncer cette atteinte assez grave aux libertés fondamentales. Que dirions-nous, que dirait la presse aujourd'hui ? Cette situation, elle est à tout le moins inédite. Il s'agit d'une situation... Je crois que pouvoir nous annoncer que nous ferions la même émission ce soir. En tout cas, j'espère vous rassurer. Mais en vous disant... imaginez l'ampleur de la réaction qui oui. serait certainement beaucoup plus forte dans les milieux qui, généralement, sont attachés à la défense des libertés fondamentales. Gabriel ? Oui ? Tu sais, toi, si Tourneur avait le droit de mettre sur écoute Sarkozy ? Sur l'affaire de corruption de magistrats ? Mmh. Bah, écoute, oui, je crois bien, oui. Mais normalement, on n'a pas le droit d'écouter les conversations d'un avocat avec son client. Sarkozy discutait avec son avocat. Peut-être, le jugement le dira. Et si le juge avait de bonnes raisons de soupçonner qu'il se livrait à une infraction, il avait le droit de le faire. Enfin, je pense. Et pourquoi tu me demandes ça ? T'es pas sur cette affaire ? C'est le même juge, Tourneur. Tu doutes de Tourneur ? Bah, entre lui et Van Rimbeek, qui a mis Sarkozy en examen sur d'autres dossiers, Sarkozy, jusqu'à présent, il n'a eu que des non-lieux. Tu vois, je me demande. Enfin, je voudrais pas me faire instrumentaliser, quoi. Eh, t'inquiète. Même s'il est partial et qu'il veut se faire Sarkozy, il lui faudra des preuves, ok ? S'il n'y a pas de preuves, on va pas lui en inventer. S'il n'y a rien et qu'il va au procès, il se fera retoquer avec un non-lieu. Et c'est jamais bon. Il joue sa crédibilité de juge. Oui, c'est vrai. Alors, te prends pas la tête avec ça. C'est eux qui prendront la décision de la mise en examen. Toi, tu continues à faire ton travail. Tu le fais bien, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ok ? Ok. Journal de 20h, France 2, 21 septembre 2014. Écoutez, si je suis réélu à la tête du parti, je ferai sûrement les choses différemment. J'ai mûri. J'ai encore beaucoup de choses à offrir à ma famille politique. Mais au fond, la vérité, c'est que non seulement j'ai envie de me représenter, mais je n'ai pas le choix. Je dois rendre à mon pays une partie de tout ce qu'il m'a donné. Nicolas Sarkozy pose sa candidature à la présidence de l'UMP, mais dans son discours, on comprend à quoi il pense toujours le matin en se rasant. Le compte à rebours pour la présidentielle de 2017 est lancé. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Vincent Hazard. Musique originale, Sébastien Quincé. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guiton. France Inter. Affaires sensibles. La fiction. Cinquième épisode, L'œil de Sarko. Une explosion politique et une implosion financière. Voilà ce que redoutent les ténors de l'UMP en arrivant cet après-midi au siège du parti. Dans le huis clos du bureau politique, l'audit financier est dévoilé. 74,5 millions d'euros, voici la dette de l'UMP au 30 juin. Dans le climat de guerre des clans, certaines dépenses de l'RCOP ont été opportunément révélées et même assumées. Pour beaucoup, il faut solder cette période. On change les méthodes de trésorerie, on remet de l'ordre. On veille à ce que tous les élus payent leurs cotisations et on veille à ce que l'argent des militants ne soit pas gaspillé. Cette bataille financière qui n'est pas terminée est l'acte 1 de l'élection du nouveau président de l'UMP qui aura lieu en novembre prochain. L'UMP est perdue, elle se cherche un sauveur. Copé est mis hors jeu, alors la guerre des chefs reprend. Ses rivaux essayent bien d'utiliser les affaires contre lui, mais on dirait que rien ne peut couler Sarkozy. Il est insubmersible. Tu m'as même dit qu'il est joli. Ça m'avait manqué. Merci, Lies. Je te sens stressé. Te laisse pas bouffer par le taf. Si tu prends trop le truc à cœur, tu vas péter un plomb. De toute façon, tu peux rien faire. Ces politicards ont trop de pouvoir. Non, c'est pas vrai. Bah, attends, on les laisse piquer dans la caisse depuis toujours, il se passe jamais rien. Non, on commence pas. C'est bon, on peut dire les choses. Tu vois bien que les médias, les juges, les politicards, ils font tout pour nous couper les pattes. Ça se voit, les gens sont pas cons. Après, faut pas s'étonner s'ils votent FN. Hein. On commence pas, je te dis. Le FN, c'est pas mieux, en plus, ils sont dangereux. Ouais, mais au moins, ils promettent une justice plus sévère et plus de moyens pour nous. Ah, tu crois vraiment? Le Front National vote systématiquement contre les crédits pour les fonctionnaires. C'est des hypocrites, voilà. En plus, le parquet ouvre une enquête sur leur financement des législatives de 2012 et des cantonales de 2011. Ils vont être mis en examen pour escroquerie. Tu peux pas soutenir des gens comme ça. Je vote pas FN, je dis ça comme ça. On descend un peu. Bon, je parlerai plus de politique. Ouais, bon, on va faire comme ça, alors. C'est mieux. Moi, je pense que ce qui est historique, c'est la situation dans laquelle on est. C'est pour ça que moi, je nuancerais ce qui a été dit sur les deux points. Hein. Là, on est dans un contexte extrêmement particulier avec un président de la République qui est au plus profond dans les sondages avec 13% d'opinion favorable, dans un contexte de crise économique dont les Français ne voient absolument pas le bout. On nous annonce rien de positif dans les mois qui viennent et dans un contexte donc, d'effondrement de la gauche de l'exécutif et d'une droite qui n'est pas une droite classique et qui n'est pas en meilleur état puisque qui s'est divisée avec des scandales financiers, qui n'a pour l'instant pas de leader en attendant peut-être le retour de Nicolas Sarkozy. Donc un paysage classique avec deux grands partis en miettes et des perspectives économiques et sociales catastrophiques. Donc dans ce contexte-là, qu'un candidat extrême de type Marine Le Pen émerge des sondages, il n'y a rien de surprenant. Direction de l'Office anticorruption, Nanterre, 27 septembre 2014. Je suis désolé Florence, mais on n'aura pas les crédits pour votre logiciel de recherche. Faut continuer à utiliser celui du ministère. Mais il fonctionne pas, chef. Bah tant pis, je continue avec ma version craquée. Un logiciel craqué? Vous allez encore nous causer des emmerdes? Romain, on n'a pas le choix. C'est comme le nouveau logiciel de rédaction des procédures, ça bug dans tous les sens. L'ancien LRP marchait très bien. Oh, vous me faites chier. Je ferai remonter, mais je ne peux rien de plus. Je suis pas informaticien, moi. Faites-moi plutôt un topo sur Big Malion. Vous en êtes où? Alors, le juge Tournaire veut procéder à des interpellations. Il va me falloir du monde parce qu'on va interpeller pas mal de gens. Le 1er octobre, tout Big Malion. Franck Attal, Rue Alves, Bastien Millau. Et le 2 octobre, on fait l'UMP. On tape Éric Césari, Fabienne Liadze et Pierre Chassa à leur domicile. C'est noté. On va vous prévoir ça. Vous n'avez pas chômé, hein. Ça va vous coûter cher en croissant. Après une interpellation, c'est la tradition que l'officier en charge de l'enquête paye les croissants aux équipes. J'ai pas eu le temps de le faire le premier jour. Trop de paperasse à remplir, car je suis la seule sur cette enquête à maîtriser le dossier. Et puis, le lendemain, on a remis ça avec les anciens salariés de l'UMP. Bonjour. Bonjour, monsieur le juge. Alors, j'ai appris que vous aviez passé une nuit blanche. Ça va? Ça va. Bon. Écoutez, merci de rester avec moi. Vous devez être épuisé, non? Mais j'ai besoin de vous, voilà. Alors, si vous voyez que je loupe quelque chose, n'hésitez pas à intervenir. Et puis, si on a besoin de s'accorder, on fait une pause et puis on en parle après, entre nous. Entendu. Très bien. Éric Césari, surnommé l'œil de Sarko à l'UMP, était l'ancien directeur adjoint du parti. Fabienne Latzé en était la directrice financière. Pierre Chassat, l'ancien directeur de communication. Tous trois sont depuis ce matin en garde à vue. En rupture avec l'UMP depuis l'éclatement de l'affaire Big Malion, ils ont retrouvé leur liberté de parole face aux enquêteurs. Madame Latzé, je comprends pas bien. Vous êtes directrice des opérations et vous n'avez pas vu que vous étiez en train de dépenser deux fois plus que le plafond autorisé pour la campagne. Regardez, c'est bien votre nom sur ces devis de meeting, celui de Villepinte. J'étais hiérarchiquement sous les ordres du directeur général Éric Césari. C'était mon chef, mais moi je ne faisais que signer ce qu'on me disait de signer. Ben oui, mais d'autres ont pourtant refusé de signer. Ben, j'aurais sûrement pas dû. Je le regrette, hein, je le regrette beaucoup, mais j'étais de bonne foi. Je suivais pas la campagne ni les comptes comme Jérôme Lavrieux ou Éric Césari. Je m'occupais des ressources humaines, des embauches de CDD pendant la campagne, de cette logistique-là. Et une campagne, c'est énormément de travail. Hein. J'avais pas le temps d'être sur tous les fronts. Mais vous reconnaissez quand même que vous étiez au courant. Oui. Oui, au moment du meeting de Villepinte, on a eu une réunion pour nous expliquer ce qu'on allait faire pour pouvoir rendre des comptes qui seraient en dessous du plafond. Vous vous souvenez de la date? C'était à la mi-mars, je crois. Enfin... Oui, c'était à la mi-mars. Qui était à l'origine de la réunion? Jérôme Lavrieux et Éric Césari. Ils nous ont expliqué au comptable, à Pierre Chassat et à moi, comment on allait procéder pour faire tout ça. Et puis ça a été validé par l'équipe de campagne lors d'une autre réunion. Donc vous avez eu des réunions pour parler de cela avec l'équipe de campagne? Oui, enfin... Oui. On faisait des points réguliers et on parlait budget. C'est la première fois qu'une mise en cause mentionne précisément des réunions budgétaires avec l'équipe de campagne. Fabienne Liadze incrimine Lavrieux, mais aussi Éric Césari, l'œil de Sarko. On sent bien qu'elle ne suit pas de script préétabli. Son avocate fait ce qu'elle peut, mais sa cliente n'est pas une politique. Elle ne fait pas partie d'un camp et elle est fébrile. À l'inverse, Césari a des nerfs à toute épreuve. Il plaisante dans le couloir. C'est un vieux routier de la politique. Il connaît les ficelles. Pour nous, c'est un sacré client. Moi, je vais vous dire, monsieur le juge, ce qui se passe, c'est qu'on essaye de me détruire parce que j'ai de l'amitié pour Nicolas Sarkozy. C'est de la malveillance pure et simple. Je suis un dommage collatéral de la guerre des chefs dans le parti. Copé, Fillon voulait ma tête, c'est fait. Oui, j'ai appris que vous ainsi que monsieur Chassat et madame Liadze avaient été licenciés. Ah, c'est une honte. Je vais attaquer au prud'homme. Enfin quand même, madame Liadze justement nous a dit que vous aviez réuni les équipes pour leur expliquer comment vous alliez truquer les comptes de campagne. Mais c'est une blague. J'étais juste conseiller. Mais en ce qui concerne la gestion, non, c'est Jérôme Lavrieux qui s'en occupait. Vous pensez donc que Jérôme Lavrieux a tout fait tout seul? Je n'en sais rien. Je pense qu'il avait des intérêts financiers avec Big Malion, des affinités qui l'ont peut-être mené à faire des opérations illicites. Vous avez eu cet échange par mail avec Jérôme Lavrieux et Guillaume Lambert le 19 mars 2012. Il vous informe que Nicolas Sarkozy veut faire à ce moment-là un meeting par jour. Et vous répondez que vous en prenez bonne note. C'est possible. Cela ne veut pas dire que j'étais partie prenante dans ces décisions. Il y a aussi deux notes que vous avez envoyées à l'équipe de campagne dans lesquelles vous suggérez des idées pour faire des économies. Ce sont des retours d'expérience que je donnais pour optimiser des dépenses. Je ne savais pas qu'on avait un tel problème. Monsieur Césari, vous avez aussi signé des devis très importants, à plus d'1 million d'euros. Mais je n'avais pas le carnet de chèques. Ces signatures n'engageaient à rien. J'ai signé ce devis parce que c'était moi qui étais présent au bureau à ce moment-là. Et malgré tous ces signaux, quand vous avez vu l'accélération du nombre de meetings, vous n'avez pas compris que le dépassement était inévitable? Non, j'ai rien vu. Bien. Merci, monsieur Césari. C'est terminé? Je peux partir? Oui. Mais je suis au regret de vous annoncer que je vais vous mettre en examen pour faux, usage de faux, abus de confiance et complicité d'escroquerie. Votre avocat va vous expliquer ce que cela implique. Direction de l'Office anticorruption, Nanterre, 5 octobre 2014. C'est pas vous, ça? Qu'est-ce qui se passe? La veille, l'homme dans le monde, il publie vos PV. Quoi? Il faut vraiment chier cela. Non mais putain, on vient à peine de les transmettre. Eh ben, ils sont déjà dans le monde. Le JDD en parle aussi. Et apparemment, vos conclusions mettent en cause directement Nicolas Sarkozy. C'est vrai? Quoi? Ah non, non, non. Ah, je n'ai jamais écrit ça. Hein. Le parquet a peut-être ajouté une note. Hein. Je sais que les fuites ne viennent pas de chez nous. On a attendu le plus tard possible, mais en les mettant en examen, les mises en cause et leurs avocats ont accès au dossier. Donc dorénavant, il faut considérer que dès qu'une pièce est ajoutée au dossier, elle peut fuiter dans la presse. J'ai l'impression que M. Lavrieux parle beaucoup aux journalistes. C'est sa technique de défense. Les autres se liguent contre lui. Ah, ça c'est sûr. Ils ont un discours bien rodé. Lavrieux et Big Malion ont détourné l'argent de la campagne. Vous voyez ça? L'équipe de campagne conteste les conclusions de l'analyse des comptes de Big Malion. Ils réclament une contre-expertise. Ils veulent aussi une analyse Tracfin des mouvements de comptes des dirigeants de Big Malion. Ils ne lâchent pas, même si on n'a pas trouvé de traces de ces détournements. Il faut le faire. On ne peut pas nous accuser d'instruire à charge. Donc, on va refaire l'expertise des comptes de Big Malion. On va faire les analyses Tracfin sur les dirigeants et on va aussi perquisitionner chez Jean-François Copé. L'autorisation peut prendre un peu de temps. Il est avocat, alors il faut prévenir le bâtonnier, il est président du groupe UMP et son bureau est à l'Assemblée, alors il faut l'autorisation du président de l'Assemblée. Tout ça, c'est pour gagner du temps. C'est possible, mais on prendra le temps qu'il faudra pour faire une enquête complète, à charge et à décharge. Vous comprenez, on doit être inattaquable. Cette affaire est une affaire d'État, avec des répercussions politiques qui peuvent changer la gouvernance de la France. Ceci dit... rien ne nous empêche de lancer aussi des perquisitions chez les membres de l'équipe de campagne. Oui, je suis d'accord. L'audition de Fabien Liadze vient confirmer l'hypothèse que l'équipe de campagne était au moins au courant de l'élaboration de la fraude. Maintenant que les PV sont sortis dans la presse, il faut agir rapidement. Entendu. Je propose donc le domicile de Guillaume Lambert et son bureau de préfet en Lozère, ainsi que ceux des mandataires financiers de la campagne, Philippe Briand et maître Philippe Blanchetier. Ça devrait passer. Nous allons soutenir la demande. Encore des semaines chargées à écrire les rapports, préparer les perquisitions. Mais j'apprécie Tournaire finalement. Je n'ai pas l'impression de perdre mon temps. Il sait où il va, mais il n'est pas sectaire. On doit tout étudier. Ça nous donne beaucoup de travail. Mais je me dis que cette affaire pourrait devenir l'affaire de ma carrière. Paris, cabinet de maître Philippe Blanchetier. Je suis désolé, hein. J'ai rien gardé de cette période. J'ai conservé que les comptes finaux. Merci, maître Blanchetier. D'ailleurs, si j'ai des questions, je reviendrai vers vous. J'ai peur que vous ne perdiez votre temps. Philippe Blanchetier était le mandataire financier de la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est aussi un avocat expert en droit électoral, une des références en France. C'est lui que l'équipe du candidat consultait sur ce qu'ils avaient le droit de faire pendant la campagne. Alors ? Il a raison. Il n'y a rien dans les disques durs, rien dans la messagerie. On prend tout quand même, d'accord ? Ouais. Je ne veux aucun rater cette fois-ci. Ça marche. Merde. On a eu des soucis avec une des perquisitions qui a été retoquée pour vice de forme. On a dû rendre les pièces. Et il y a quelques jours, les collègues qui sont allés chez Philippe Briand, l'autre mandataire de Nicolas Sarkozy, n'ont pas jugé utile de saisir les dossiers marqués « Compte de campagne 2012 », sous prétexte qu'on les avait déjà. Voilà ce qui arrive quand trop peu de personnes maîtrisent un dossier. Je peux pas être partout à la fois. Je sens bien que Tournaire est nerveux. Monsieur le juge, je crois qu'on a quelque chose. Bonjour. Une pochette oubliée au-dessus de l'armoire. Elle contient le compte-rendu d'une réunion de campagne datée de mars, bien avant le premier tour. On retrouve des factures d'Events Big Malion avec les vrais montants avant qu'ils aient été baissés. Un budget général et en annexe, la liste des meetings réalisés à date avec leur coût, ainsi que des exemplaires du certificat administratif du comptable. C'est la preuve que des réunions de suivi budgétaire entre UMP et équipe de campagne ont bien existé. Non, mais bien sûr, monsieur le juge, je ne peux pas le nier. Les montants sont différents sur les factures. Mais on m'a dit qu'ils avaient été renégociés. Et puis, j'étais un référent légal dans la campagne, pas un comptable. Mais en tant que mandataire, maître Blanchetier, vous vous portiez garant des comptes? J'ai accepté ce poste par amitié. Et à aucun moment, vous vous êtes rendu compte que vous vous rendiez complice d'escroquerie? Mais je ne connais rien, moi, à l'organisation de meetings. Je ne sais pas combien ça coûte. On a comparé avec ce qui avait été dépensé pour les précédentes campagnes, et les chiffres finaux correspondaient. Je me suis dit qu'effectivement, Big Malion essayait de se faire une belle marge. Et qu'il avait fallu négocier pour les ramener à la raison. Certaines factures ont été divisées par trois. Dites-moi, c'est une sacrée négociation quand même. Hein. Je reconnais que j'aurais dû être plus rigoureux. Je n'ai pas vérifié ce qu'on m'a fait signer, mais... Il faut comprendre une chose. C'est que je n'étais pas en position de faire quoi que ce soit. Parce que, en tant qu'avocat du parti, moi, je suis tenu à une certaine réserve. Je comprends. Mais malheureusement, maître, votre position d'avocat ne vous fera pas échapper à une mise en examen. 2 mois tout juste après le retour de Nicolas Sarkozy sur la scène politique, le voilà élu à la tête de l'UMP, mais avec un score, 64,5% des voix, moins élevé que ce qu'on pouvait imaginer pour l'ancien président de la République, qui a justifié son retour sur la scène politique par nécessité. Si j'étais mauvaise langue, je dirais que la nécessité, c'est celle de retrouver l'immunité présidentielle. Avec les dernières auditions, l'étau se resserre sur l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Césari, Lambert, Blanchetier. Si eux savaient, est-il possible que Sarkozy, lui, ne sache pas ? Il y a beaucoup de militants qui s'interrogent, et à juste titre, hein, qui n'adhèrent pas, qui n'ont pas renouvelé, mais qui viennent toujours à des réunions. C'est les premiers désabusés, parce que c'est eux qui se battent au jour le jour sur le terrain, qui vont sur les marchés, qui font le porte-à-porte, qui collent des affiches. Aujourd'hui, effectivement, il y a un sentiment énorme de frustration. Il y a une colère. Colère, puisqu'il y a eu des événements qu'on a pu connaître, notamment Big Malion. Les militants, lors des réunions, on entend cette colère. Cette colère est de plus en plus intense. Ils n'ont plus confiance en leur politique, quelles que soient les personnalités derrière lesquelles ils ont pu se ranger fut un temps. Beaucoup ont hésité à reprendre leur carte parce qu'ils se disaient « mais qu'est-ce qu'on fait de notre argent ?» Et à côté, les militants sont exaspérés des conflits de personnes, des conflits d'égo. Les militants en ont marre de ça, clairement. J'ai regardé les 2 notes d'alerte que vous avez adressées. Oui, elles étaient dans le dossier que nous a fait parvenir M. Lambert pour sa défense. On les avait un peu oubliées. Je crois que M. Lambert n'a pas bien mesuré qui elles incriminent. Ou alors il le sait parfaitement. Ils ont tous peur d'être seuls à plonger. Il faut que Nicolas Sarkozy s'explique sur ces 2 notes. On va lui demander une audition libre. Et d'ailleurs, c'est mieux si c'est vous qui l'interrogez. Moi ? Oui, vous. On n'est pas sur une mise en examen. Pourquoi, ça vous pose un problème ? Ah non, pas du tout. Vous le laisserez s'expliquer. Quand on n'essaye pas de le piéger, il n'est pas désagréable. Direction de l'Office anticorruption, Nanterre, 4 septembre 2015. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Bonjour monsieur. On dit monsieur le président, n'est-ce pas ? Mais oui, c'est l'usage. Bien. Ma collègue et moi, nous allons procéder à votre audition. Merci à vous d'avoir accepté de venir jusqu'à nous. C'est tout à fait normal, madame. Même si je dois dire que je me demande pourquoi je suis mêlé à cette histoire, qui ne me concerne que par le fait que la fraude s'est déroulée pendant ma campagne. On va prendre votre identité et titre, s'il vous plaît. Non, mais c'est bon. On a déjà les renseignements sur monsieur le président. Oui, bien sûr. Effectivement. Très bien, allons-y. C'est compliqué de mener une audition face à un ancien président de la République. Son ancien boulot le rend difficile à interroger. Mais il sait aussi qu'il joue gros. Nous voudrions surtout savoir si vous aviez connaissance de ces notes d'alerte venant du comptable de la campagne. Non, mais mon avocat m'a averti récemment de leur présence dans le dossier d'instruction. Voici la première de M. Godet, comptable, datée du 7 mars 2012, à peine 3 semaines après le début de la campagne. La note met en garde contre le risque de dépassement du plafond autorisé et recommande de suspendre toute dépense supplémentaire. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Elle m'est adressée ? Non. Elle est adressée à votre équipe de campagne, M. Lambert et M. Briand. Vous êtes au courant que je devais aussi assurer ma fonction de président, plus d'être candidat ? Je n'avais pas le temps de suivre les comptes, encore moins de lire des courriers qui ne m'étaient pas adressés. Monsieur Lambert nous dit vous en avoir parlé. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas. Bien. J'ai ici une seconde note du comptable qui vous est adressée, cette fois. Il s'agit d'une nouvelle alerte qui indique très clairement qu'il faut stopper les dépenses, car le plafond est atteint. Je n'ai pas non plus souvenir de cette note. De quand elle date ? Du 26 avril. Mais enfin, madame, vous croyez vraiment que j'avais que ça à faire à ce moment-là ? 4 jours après le premier tour et 1 semaine avant le second ? Franchement, non, je n'ai pas lu ces notes d'intendance. Je vais vous dire, madame, toute cette histoire ne tient pas debout. Nous avons fait le même nombre de meetings qu'en 2007. Nous avons payé le même prix. François Hollande a fait le même nombre de meetings et il a même déclaré moins que moi dans les comptes de campagne. Pourquoi vous n'allez pas enquêter sur lui ? Non, non, franchement, s'il manque des millions à l'UMP, regardez du côté de Big Malion. Ils ne sont pas dans ma campagne. Parquet de Paris, bureau des juges Tournaire, Leloir et Van Ruynbeck, 6 septembre 2015. Vous vous en êtes bien sorti, Florence. Oui, c'est une belle audition. Merci. Alors, on n'a pas grand-chose sur Sarkozy à ce stade. Pas de preuves tangibles. Ça, son explication se tient. Il avait déjà la charge de président, en plus de la campagne. C'est exact. Mais il a été alerté par écrit par les comptables et par oral par M. Lambert. Et malgré ça, il a décidé d'augmenter le nombre de meetings alors que les comptes étaient dans le rouge. C'était pas sa première campagne. Il savait très bien qu'il ne pourrait pas rester sous le plafond. C'est vrai, mais savoir ne le rend pas complice. On ne va pas mettre en examen un ancien président avec un dossier aussi faible. Je vous ai connu plus incisif, monsieur Van Ruynbeck. Van Ruynbeck connaît bien l'ancien président. Il a déjà enquêté sur lui dans plusieurs affaires. Mais il y a 10 ans, il s'est trompé en le pensant coupable dans l'affaire Clearstream, avant de se rendre compte qu'il était manipulé à des fins politiques. Il avait dû s'excuser et avait fait l'objet d'une enquête administrative. Alors depuis, il se méfie. C'est compréhensible. Ils sont désormais 13 mis en examen dans l'affaire Big Malion. Bonsoir Benoît Colomba. Bonsoir Sébastien. Benoît, on a appris aujourd'hui celle des deux experts comptables de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, Pierre Godet et Marc Leblanc. Oui, deux hommes qui ont donné l'alerte en interne sur la catastrophe financière en préparation. On approche de la fin de l'instruction et on aura ratissé large, c'est vrai. Mais j'ai peur de finir sur une frustration. Quand on y réfléchit, il y a une question simple qui devrait toujours rester notre boussole. À qui profite le crime ? Les réponses de Nicolas Sarkozy me laissent sur ma faim. Est-ce qu'on peut être déconnecté à ce point-là ? Comment le savoir ? On ne trouvera jamais de preuves. Il faut que je me fasse à cette idée. Direction de l'Office anticorruption, Nanterre, septembre 2015. Vous pouvez répéter, monsieur le juge ? Oui, je vous disais que l'experte comptable s'est rendu compte qu'il y avait d'autres factures qui ont été escamotées des comptes de campagne, en plus de celles de Big Malion. Il y en a notamment une de l'autre agence de communication qui a travaillé sur les meetings. Agence publique ? Oui, absolument. Cette facture concerne le meeting de Villepinte. L'experte l'a trouvée dans les saisies, mais elle n'apparaît pas dans les comptes de campagne. 1,5 million d'euros purement et simplement effacés. Allô, vous êtes toujours là ? Oui, pardon. Mais... Attendez, agence publique, c'est l'agence des amis de Nicolas Sarkozy ? Absolument. Donc lui et son équipe ne peuvent plus accuser Big Malion d'avoir organisé seul la fraude. Ça va être un vrai problème pour la défense de l'ancien président. Passez à mon bureau dès que vous pouvez. Vous venez d'entendre 22 millions, écrit par Vincent Hazard. Une réalisation de Baptiste Guiton. Avec Diffen Davio, Oscar Kopp, Johanna Nizar, Samira Sedira, Florent Houlier, Mohamed Rouhabi, Eddy Chignara, Sharif Andoura, Quentin Bayot, Alain Fromager, Grégoire Mont-Saint-Jean, Didier Bénureau, Nadir El Arabi, Bernard Gabet, Pauline Moulin, Bruno Raffaelli, Scali Delpera, Charlie Nelson et Didier Brice. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Étienne Collin. Assistante à la réalisation, Aurélie Miermont, avec l'aide de Maxime Pambet. Coordination, Christophe Barrère. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Crowds rest in me. Demain, dernier épisode, nous recevrons Jérôme Lavrieux, personnage central de cette histoire. Il était le directeur de cabinet, à l'époque des faits, de Jean-François Copé. Je renvoie évidemment à les auditeurs à l'écoute des prochains épisodes de cette série sur Big Malion.